Section 45 de la lecture, tome 3e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. La lecture, tome 3e, section 45. Un vieux par Pierre Loti. Chapitre 3. Il se souvenait d'avoir été beau, leste et fort. Oh, sa force qui la lui rendrait maintenant. Oh, ses bras de matelot, ses bras durs qui, en se contractant, se gonflaient avec des rigidités de marbre, qui étaient capables de tout briser sous leur puissance, qui, dans les matures balancées, secouées, tenaient ferme comme des crampons de fer. À présent, il peinait et tremblait, rien que pour soulever une chaise. De chaque côté du grand coffre creux de son corps, il pendait amolli, et à la place des muscles disparus, les veines seules s'y croisaient, comme de longs vers bleus sur des membres de cadavres. Quand les briques de l'école des mousses louvoyaient sur la rade, toutes leurs voiles tendues au vent d'ouest, il se mettait derrière ses vitres pour les voir passer. Ses petits-enfants de la mer, aux rudes vareuses de toile, étaient répandus comme des points blancs en haut dans les cordages, courant au son des sifflets d'argent, courant dans le vide, le long des fils minces, courant des pieds et des mains, comme de jeunes singes. Lui, qui les regardait, n'entendait plus rien à ce trop-plein de leur vie neuve, à cette ivresse du mouvement qui les faisait tant courir. Non, mais son enfance à lui aussi s'était développée, sur cette rade, à faire ce métier, sain et dur. Alors, il les contemplait longuement et éprouvait à les voir des impressions mélancoliques qui n'avaient presque plus de forme, tant elle était affaiblie et lointaine. Fin de la section 45, lue par Margot.